va entamer avec Alcosonic, Rescue Rangers. C'est une spéciale, qui est une émission spéciale Stone Gatling, qui est un festival qui va se dérouler incessamment sous peu sur Paris. On va en parler d'abord dans une première partie. Les Rescue Rangers sont là avec Pascal. Salut Pascal, ça va bien? Ça va. Donc ils sont là pour nous parler de leur nouvel album. Et attention, vous aurez une exclusivité, un titre, le premier single de l'album des Rescue Rangers qui sera apparaître en... Le 30 novembre. En novembre. Et Alcosonic, ils sont là pour représenter Paris. C'est un petit Marseille versus Paris. Et vous êtes là pour nous présenter votre EP et aussi pour nous parler de votre futur album. C'est ça. Qui sera là. Alors, si la technique est OK, on peut envoyer sur un premier titre histoire de se mettre dans l'ambiance. Let's go, c'est parti. Celui-là. Ouais, 109.4. Un extrait de Guitars and Dust Dancing. Pascal est là pour nous parler Guitar and the Strangers. Pascal est là pour nous parler de ce disque, des autres, et on a Alcosonic aussi. Ces deux groupes, vous les retrouverez tout au long. D'ailleurs, ça commence le 4 septembre, c'est ça? Ouais, ça commence le 4 septembre en fait, pas très loin justement de là où on est aujourd'hui. Donc c'est rue Abel, c'est au Combustible. Donc on va avoir les Rescue Rangers qui vont venir nous faire, j'espère, quelques petits nouveaux morceaux. Et puis un peu. On en parlera d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a fait venir, sinon ils restaient à Marseille. Et ils seront accompagnés aussi de deux groupes de stoners un peu psychédéliques. Donc un premier qui s'appelle Danava en fait, qui vient des États-Unis, c'est assez psyché, c'est pas mal du tout, inspiré par Black Sabbath. Et un autre qui est Lecherous Gaze, un peu plus punk, dans dans l'idée un peu Valiantor, on va dire, un peu plus méchant, quoi. Puis ça va se suivre, en fait, tous les mois, un concert par mois sur les Stone Gathering jusqu'à la fin de l'année. Donc il y aura pas mal de groupes. Il y aura notamment Yob, Saviors. Nous, on accompagnera Saviors, d'ailleurs. Il y aura De Ville aussi. C'est quoi les autres dates, Seb? Alors, les autres dates... Bon, les dates, on les verra peut-être un petit peu plus tard. Le 9 octobre, donc avec Yob et Kong. Le 9 novembre, avec donc Alcosonic Saviors. Et dernier concert de l'année, le 1er décembre, avec Monkey Tree et Abyss. Mais si certains veulent plus d'informations, vous allez sur stoned-gatherings.com et il y a tout. Vous pouvez même réserver vos places. Alors donc, la voix qui vous présente ça d'une manière très... je ne suis pas payé par le Stone Gathering, mais quasiment. C'est Seb de Alcosonic. Seb, d'ailleurs, il paraît que c'est toi, parce qu'elle m'a glissé dans l'oreille, ça m'a fait un petit peu mal d'ailleurs, que c'était toi qui était plus ou moins chargé, qui a organisé un petit peu ça. Alors comment ça t'est venu l'idée d'organiser ce festival? En fait, à la base, c'est quand même Mathieu, le manager, en fait, qui... Alors c'est... Nous, on avait une association qui s'appelait Arachnorock, à la base, avec Alcosonic, où on organisait déjà pas mal de concerts. Au fur et à mesure, donc on a Mathieu, nous, le manager, qui est venu et, dans le groupe, et à qui j'ai pas mal filé la main en fait pour les concerts, etc., parce que je préférais m'occuper du groupe. Et puis il y a eu cette idée, en fait, par hasard, grâce aussi à un autre ami qui est Frédéric Cardo, de faire un rendez-vous par mois, stoner, psychédélique, dans le rapport. Et Mathieu a vraiment pris le devant là-dessus et s'est occupé vraiment de tout ça. Donc moi, je file surtout un coup de main et parfois je donne notamment les sites internet, etc. Et j'aide avec ce que je peux. C'est vrai que c'est un peu le bébé de Mathieu, en fait, qui est le manager du groupe, en fait. Et qui donc s'occupe de souvent trouver des groupes, etc. Quoi. C'est un peu son bébé sur lequel on l'aide pas mal, etc. Alors nous, on vient de notre province, et d'ailleurs on avait eu un débat depuis notre petite province avec Pascal, qui était dans l'ordre de notre épisode 105. On se demandait pourquoi la scène stoner perçait en France maintenant. Et vous organisez un festival stoner sur Paris. Comment tu peux expliquer? Est-ce que sur Paris il y a un engouement autour de cette scène, ou est-ce que... On va dire que là, pour le coup, c'est pas forcément... Donc moi, personnellement, on va dire, c'est pas forcément le stoner en lui-même. Ouais. C'est limite un style qui me fatigue un peu. Je pense qu'on va pouvoir même en parler un peu avec Pascal. C'est un truc où on se rejoint pas là-dessus. On va dire que l'idée... Pourquoi? Allez, développe. Fais-nous plaisir. Bon, on va dire que c'est devenu assez hype et que tout d'un coup, c'est un peu... on va avoir toutes les personnes qui ont fait du néo-metal il y a 7-8 ans, qui faisaient du Korn ou qui faisaient du Deftones et qui... c'est plus à la mode, on trouvait des guitares, ils se sont dit on va rester accordé en do et puis on va devenir fan de Kaios. Et une chemise à carreaux aussi. Voilà, et des Ray-Ban. Voilà, et on va arriver avec pléthore de groupes aujourd'hui qui se disent qui connaissent tout dans le stoner et qui vont donner des noms, alors qu'il y a 10 ans, quand on leur disait Kaios, ils étaient persuadés que c'était une pierre qu'on balançait, quoi, sur un... la Kaios. Voilà, c'est. Donc c'est vrai que. Voilà, c'est. On va dire c'est devenu une mode, tant mieux d'un côté, hein, c'est très bien, quoi. On va dire que il y a un responsable de tout ça, c'est Josh Homme, qui est venu avec sa chemise à carreaux et avec son groupe qui s'appelle Queen of Stone Age, donc les caillasses de l'âge de pierre, justement, et qui on va dire a un peu foutu un peu à démocratiser le genre et à donner une image au genre qui a plu à pas mal de monde, qui a donné le truc plus hype, et on a eu donc tout d'un coup tout le monde qui est devenu fan de Josh Homme, qui est devenu fan de Queen of Stone Age. Ça a fait connaître le stoner et c'est devenu le nouveau néo-metal un petit peu. Le problème de tout ça, enfin, c'est que c'est... On va dire que le stoner, pour moi, c'est un peu comme le grunge de l'époque. C'est-à-dire que c'est censé être une musique super instinctive et être un peu les hippies des temps modernes, quoi. Et que ça crée des clans qui n'ont plus rien à voir avec le grunge. Enfin, on a des... Enfin, les mecs, ils viennent de... Je sais pas, ils viennent de Paris, ils viennent de Montpellier. Et puis, ça parle de Cadillac, de cactus, de désert, etc., quoi. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait blague, en fait. C'est-à-dire que dans le stoner, là où nous, on cherche quelque chose d'instinctif, de gens qui ont envie de parler, que ça soit une rage ou quelque chose de société, que ça soit marrant, on a des groupes qui se tirent dans les pattes les uns dans les autres, qui vont se créer des histoires assez marrantes, quoi, au final, même s'ils sont souvent très gentils, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà. Et dans 2 ans, ce sera plus stoner, ce sera autre chose, quoi. Ce sera forcément, le stoner sera démodé, et puis on passera à autre chose, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait quand tu parlais des clans, que tout le monde se tire dans la gueule et s'invente aussi un petit peu des vies. On est un groupe avec Pascal, on en parlait dans le train en arrivant. On s'est dit, mais comment ça se fait? Quand tu vois leur bio, ils s'inventent une vie, mais les mecs, en fait, à la fin, ils y croient. Ouais, ils croient qu'ils ont vraiment vécu dans le désert. Ça peut être assez marrant, ouais. Enfin, alors, il y en a qui font vraiment ça au second degré et au final. Bon, un peu comme vous, d'ailleurs, votre bio est assez ironique. Ouais, voilà. Après, c'est savoir utiliser le second degré et dire, bon, ok, nous on se marre, etc. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas pas dans le délire des cactus, du désert, des voitures, etc. Nous, on est plus dans les géraniums, la Peugeot 205. On vient de Paris, quoi. Mais sinon, c'est vrai que si c'est fait au second degré, tant mieux. Après, quand on voit que les mecs, ils sont vraiment au taquet et qu'ils arrivent avec les Ray-Ban et que ils font du surf sur leur guitare ou qu'ils parlent genre en anglais pendant les concerts. Bon, c'est. Je pense que Pascal a tout de suite compris. Mais c'est vrai que voilà, on se demande un peu où on est, quoi. C'est-à-dire qu'il faut. Je pense que le stoner, comme le grunge, c'est que c'est une question d'humilité, en fait. La musique est une question d'humilité. Et quand on voit des groupes comme Nirvana, Pearl Jam ou Soundgarden, qui sont des mecs qui ont vu quand même des stades, qui ont rempli des stades, même si c'est le grunge, et qui sont toujours restés ensemble, ils se crachaient pas dans la gueule, au contraire, ça créait des choses, quoi. On a eu des Mad Season, on a eu des tas de choses, les Temple of Dog, etc. Les mecs étaient ensemble, ils se crachaient pas dans la gueule, et pourtant ils auraient pu, parce que... Et aujourd'hui, ça n'existe pas, ça, aujourd'hui. Alors que le stoner, c'est censé être ça, c'est censé être des mecs, on partage tous un genre, etc. Donc il y a quand même des groupes avec qui ça se passe, hein, la preuve, hein, et pourtant des Parisiens et des Marseillais arrivent à faire des choses ensemble parfois, donc pour dire à quel point on peut s'entendre, quoi. Mais bon, c'est vrai que voilà. J'ai un autre exemple, hein, des Parisiens et les mêmes Marseillais qui ne s'entendent pas forcément. Certains concerts où Pascal s'est trouvé des idées. Ah oui, ouais. Mais aussi. Ah ouais, on a bien rigolé en tout cas. Ouais, c'est sûr qu'il y a des fois des blagues. Enfin, Pascal connaît bien d'ailleurs, commence à bien connaître le stoner parisien, on va dire. J'adore. Voilà. Et il connaît bien aussi le stonerbe de province. Ouais. Ça, c'est fabuleux aussi. J'ai pas encore assez connu les. D'ailleurs, mais c'est ce que tu disais. Je trouve que Seb a bien parlé de ça, de cette scène, comme tu disais, a bien résumé le truc, là. Vraiment, pour le coup. Merci. Non, mais c'est vrai. C'est au départ, en fait, c'est du rock, quoi. Voilà. Guitare, basse, batterie, et puis, mais en fait, ça devient du théâtre. Ça devient. On en a eu un petit peu la démo aussi hier, parce que, comme vous le savez peut-être, on est en train de couvrir le rock en scène, et c'est vrai qu'hier, il y avait deux mastodontes qui étaient là, Biffy Clyro et les Foo Fighters, et c'est vrai que Foo Fighters, il y avait un peu de la pause, quoi. D'accord. Chez Dave Grohl, donc c'est vrai qu'après, les jeunes, ils peuvent peut-être s'inspirer de ça aussi, c'est peut-être ça qu'ils font un truc. Ben. Oui, moi ce qui m'a surtout marqué par rapport à Fighter, c'est que là tout le monde, je cite un ami parisien qui dirait tout le monde se branle, donc sur Foo Fighters, alors que ça fait 15 ans qu'ils s'en tartinent le fion, Fighters, Dave Grohl, je le prends à la guitare. Un peu comme Le Figaro qui a l'interview, alors que Le Figaro leur crachait sur la gueule à l'époque. Ouais. Est-ce qu'il leur crachait sur la gueule ou est-ce qu'ils s'en foutaient, quoi, genre c'est super. Il y a aussi un truc marrant, c'est quand même, c'est justement l'attitude de Dave Grohl par rapport à tout ça, quoi. C'est qu'on se demande, c'est quand même un mec qui était vachement justement dans l'idée. Grunge à la base, hein, c'est quand même quelqu'un qui était super. Et c'est vrai qu'on se demande s'il fait pas un peu, comme tu disais, Patrick Sébastien, quoi. C'est-à-dire qu'il va se mettre à faire des concerts dans des garages d'ados et tout. C'est mignon, mais à un moment on se dit. Il s'en fout, je pense. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est quelqu'un qui se fait plaisir. Après, il a pas envie de. À l'époque du grunge de Nirvana, c'était vraiment foutre la merde un peu. Ouais. Et dans ce système, dans ce business de la musique. Et Dave Grohl, je pense que lui, il a lâché l'affaire. Et il y a une interview l'année dernière sur Canal+, où il racontait de ce qu'il faisait avec Nirvana, il rigolait, il disait « Je me languis de voir le prochain groupe qui va faire ça. » Mais lui, il pourrait le faire s'il voulait. Ouais. Et bon. Mais il veut pas. Je pense qu'il est très gentil et généreux. Je pense qu'il a un petit côté, je cite, « mal à la gueule ». Ouais. Cite Seb pour cette expression qui va rentrer dans la prochaine. En tout cas, vous l'avez compris, le Stan Gathering, c'est pas un festival qui a mal à la gueule, c'est plutôt un festival bon enfant, bon esprit. La participation offrée pour chaque concert, c'est de combien? Alors, c'est 10€ en pré-vente et 12€ sur place. D'accord, ouais. Donc si vous avez envie de voir les Rescue Rangers qui vont un petit peu entamer le bal le 4 septembre au Combustible à Paris, je vous propose une grosse grosse exclusivité que Pascal nous a offert. On va écouter tout de suite le premier single, le futur single de leur deuxième album Manitoba, qui sortira donc le 30 novembre 2011. C'est vraiment la grosse exclu pour Pod Radio. Sortez les mini-disques, le morceau s'appelle Creeper. Creeper, the one who creeps. Creeper, The One Who Creeps, c'est en exclusivité sur Pod Radio, le nouveau single des Rescue Rangers. On va s'intéresser un petit peu à vous, le côté Marseille. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit sortez les mini-disques. Ça montre que je suis bien. Maintenant, je commence un petit peu à me faire âgé. Vous l'aurez compris, vous pourrez télécharger podcast sur podradio.fr, c'est ça ? Et sur notre site évidemment rockexpress.com, puisqu'on va repartir avec la pige de l'émission, on va se faire plaisir. Il y a des CD à gagner aussi, hein, je vous l'ai pas dit, mais vous avez une flopée de disques. Alors pour ce faire, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Non, il n'y a pas de numéro de téléphone. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà à en faire gagner un tout de suite. Oula. On va en faire gagner un tout de suite, on va mettre une couverture d'album sur le chat. Donc une couverture qui n'a ni artiste ni titre. Et il va falloir deviner, c'est le premier qui va arriver à deviner ce que c'est qui va gagner. Voilà, c'est un petit peu difficile. Même Alco Sonic n'a pas réussi à deviner. J'espère qu'il y en a qui vont arriver à trouver. Au pire, de toute façon, on va faire un article sur le blog dans la journée. Et donc, en fonction des commentaires, on tirera au sort. Et vous pourrez de toute façon repartir avec un ou plusieurs CD. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc les Rescue Rangers, avec ce titre un petit peu hommage, j'ai envie de dire, à Nick Oliveri, parce que vous savez, Nick Oliveri, c'est le bassiste de Caius et le premier bassiste des Queens of the Stone Age. Et il vit un petit peu des moments difficiles. Alors comment ça s'est passé la rencontre avec Nick? En fait, on avait ouvert pour lui lors de sa tournée acoustique à Marseille. D'ailleurs, on remercie Virgile de Trendkill, c'est lui qui nous avait permis de... qui est notre label aussi, qui nous avait permis de faire cette date. Et puis voilà, bon, nous forcément, on est fan de Nick Oliveri vraiment depuis longtemps. Et lui, ouais, il est arrivé, il nous a écouté jouer. Et puis en gros, là, il a dit ça me plaît. Je crois l'avoir vu descendre sur la scène et il a fait ouais, c'est non, un ça, peu ça, moyen. C'était, quoi. Ça, c'était pendant la tournée avec Mondo Générateur. Ça, c'est... non, là, il est venu, il a écouté, il a dit bon, ça me plaît, je vous invite sur la tournée Mondo Générateur justement, où il y avait la fameuse blague du pendant que tu joues, il vient te voir. C'est un peu moyen. Et tant que tu fais pas un pain, il arrête pas de te dire c'est un peu moyen. Et dès que tu as fait un pain, il est mort de rire, il s'en va. Et donc, pendant la tournée, avant la date de Marseille, on est allé à notre studio chez Pierrot le batteur et on a enregistré ce titre avec lui. D'accord. Et là, donc, votre album, on l'a entendu, un son qui est un petit peu. Parce que là, ce que vous avez entendu, c'est la version qui n'est pas masterisée encore. Non, et pourtant, il y a déjà une bonne grosse patate. Donc, vous l'avez enregistré où l'album? Donc, tu l'as dit chez Pierrot. On l'a enregistré, voilà, dans notre studio chez. Enfin, c'est notre studio, j'ai notre studio, mais c'est Pierre qui dit ça, mais c'est chez lui en fait, c'est son studio. Et donc, ça a été mixé au Kentucky par Jason Groves, qui est le bassiste de Asylum on the Hill, l'autre groupe de Dave Engstrom d'Hermano. Voilà. D'accord. Un gros son américain. Ah, bah oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Benny, oui, oui. La private joke inside. Et cet album, alors moi j'ai pu avoir un petit peu la primeur, j'ai envie de dire, tu m'as fait l'honneur d'écouter la version pré-release. Donc les morceaux n'ont pas bougé, c'est juste le son qui va un petit peu changer avant, quoi, d'ici la sortie. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment extrêmement différent du premier, puisque dans Guitar and Death Dancing, le premier album, vous avez vraiment, ça rentre bien dedans et tout, et là c'est vraiment des morceaux qui sont calmes, il y a des morceaux certes qui sont rentrés dedans, mais vous vous décollez justement de cette scène stoner un petit peu. Ben, disons que nous, de toute façon, on avait fait le premier, et ce qu'on voulait, c'était avoir un album plus ouvert, parce que, alors pour revenir sur le stoner, on va faire simple. Moi j'aime le stoner, pour moi ça va pas très loin, c'est Caius, Fu Manchu, Monster Magnet et Queens of the Stone Age. Après le débat, c'est du stoner, c'est pas du stoner, bon, on fout. Queens of the Stone Age, les trois premiers albums. Après voilà, c'est ce que j'aime dans le stoner. Le reste, des fois j'écoute, mais ça m'intéresse pas, puisque ça me touche pas particulièrement. Mais après, on aime surtout le rock vraiment au sens large. Et alors du coup, c'est dommage de se dire alors on va faire du stoner et puis on fait que la même chose, on sait pas pourquoi. Donc on a dit on se fait plaisir, on avait envie d'élargir un peu les horizons, ouais. Si tu veux. Et donc du coup voilà, c'est ce qu'on a fait. Il y a des morceaux justement un peu plus rentre dedans que ce qu'il pouvait y avoir dans le premier, puis il y a des morceaux plus souples. Et justement, en tant que groupe de Marseille, là vous allez jouer sur Paris, est-ce que c'est plus difficile pour vous d'avoir de la visibilité que par exemple les Alco peuvent avoir, puisque à Paris il y a quand même énormément de salles de concert où vous pouvez jouer si vous avez vraiment envie de jouer? Je pense que ça, c'est pas la difficulté. Oui, c'est sûr Ouais, il y a des salles de concert. Après, la visibilité du public, c'est pas forcément facile non plus. Hein. C'est que nous, on a des tas d'exemples de concerts où on pensait justement, quand on n'avait pas fait de concert depuis pas mal de temps, ramener du monde où il n'y a pas eu grand monde. Quoi. Ça veut... C'est toujours le problème. Enfin, je pense que c'est le problème des grandes villes aussi, de toute façon. Hein. Je pense que ça doit être à peu près pareil à Marseille, parce qu'on en parle souvent avec, avec Pascal. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, il n'y a pas d'astuce, quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on peut être un groupe que les gens aiment beaucoup, mais les concerts n'intéressent pas forcément. Quoi. Donc, Paris, c'est assez difficile quand même. Ça reste quand même une ville où les gens ont envie de sortir, mais pas tout le temps. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est la même chose pour les Stone Gathering. Hein. Même c'est une date, parfois on va faire complet, une date, on va avoir 5 personnes. Donc, ça peut. C'est assez compliqué. Donc, c'est vrai que. Là, je pense que sur Rangers, on a fait une bonne com et normalement les gens ont l'air d'être assez intéressés, donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de règles. Ouais, il n'y a pas de règles quoi. Après, ouais. Sur Rangers, c'est quand même un groupe qui. Je sais pas, je suis pas à Marseille quoi. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une bonne visibilité à Marseille, mais c'est un groupe qui a su faire parler pas mal de lui en fait, grâce au premier album. Mmh. Même sur Paris, c'est quand même un nom que les gens connaissent de toute façon. Et c'est vrai qu'ils ont la chance d'avoir fait un premier album qui envoyait quand même pas mal et qui a fait que dans le milieu, que ça soit stoner ou rock, enfin les gens connaissent Rescue Rangers quoi, dans tous les cas. Donc c'est vrai que la visibilité n'est sûrement pas la même qu'à Marseille, mais moi je m'inquiète pas trop en tout cas pour leur visibilité sur Paris quoi. C'est un nom que les gens connaissent et en bien quoi, généralement. Et Marseille, on en parlait Pascal justement dans le train, tu en parles beaucoup dans l'album Manitoba. Alors c'est bizarre parce que quand l'album s'appelle Manitoba, on imagine que c'est plus axé vers justement le Canada, tout ça. Ben en fait, ouais, c'est, moi j'ai vécu là-bas pendant 2 ans et puis en fait c'est surtout le, il y a un morceau qui s'appelle comme ça. Ouais. Et c'est un morceau. Le single. Que je sais pas. Ouais, le, en tout cas, l'hymne. Que qu'on aime beaucoup, qu'on aime vraiment beaucoup jouer sur scène et si on doit dire qu'il y a une nouvelle direction, je trouve que ça représente plutôt, plutôt la nouvelle direction, même si c'est varié dans les styles dans le nouvel album. Et puis voilà, après ça parle de. Ça parle beaucoup de Marseille, parce que. Bon, après, personnellement, tu sais que. Enfin, je m'en cache pas, j'aime pas Marseille. Enfin, j'aime la ville, mais j'aime pas les gens, j'aime pas. La vie là-bas, elle est pas agréable, quoi, en fait. Mmh. Et du coup, ça parle beaucoup de ça, quoi, voilà. Mmh. Et ça. Oui, voilà, quand j'étais au Manitoba, ben, ça parle de ça, ça parle d'être là-bas, mais finalement, t'es loin de ta famille, de tes racines, et c'est pas évident, tu restes l'étranger là-bas, tu vois, ça parle un peu de tout ça, mais après, oui, ça parle aussi beaucoup que la vie à Marseille est difficile, parce que t'es constamment jugé sur ta façon de t'habiller, sur ce que tu fais, sur ce que tu fais pas, et ça, c'est pas un délire que je me fais tout seul, hein. Tout le monde te le dira, quoi. À moins que tu mettes un survêt Lacoste et que tu fasses le béni oui-oui, justement... Plutôt le wesh gros quoi. Ouais, non, même pas à faire comme tout le monde quoi. Voilà, si tu fais comme tout le monde, on te fait pas chier. Et puis. Enfin bref. Il faut. C'est dur à expliquer quoi. De temps en temps. Et puis en plus, tout le monde a son idée de Marseille. Alors tout le monde va y aller de son commentaire. Ouais, c'est la ville la plus pourrie de France. Et ça m'énerve aussi parce que j'ai envie de dire, mais t'as jamais mis les pieds, qu'est-ce que tu me racontes. Mais voilà, moi je parle du quotidien qui est pas très agréable à Marseille. Voilà. C'est surtout ça. Et cet album, vous avez mis quand même, il y a pas mal de temps qui s'est passé entre Guitar and Dust Rangers, le premier album, et Guitar and Dust Dancing, et le Manitoba. Qui s'est passé entre temps? Pourquoi il y a eu autant de temps qui s'est écoulé? Pourquoi il y a eu du temps? Alors au départ, moi c'était un peu, comment dire, la panne sèche, j'arrivais pas à avoir de nouveaux morceaux. J'arrivais pas à composer, voilà, et puis ça allait pas forcément trop bien dans le groupe. Ah bon? Et puis finalement, j'ai réussi quand même à me remettre à écrire des morceaux et tout ça. On a trouvé ce qu'on voulait, et puis ça a pris du temps après pour l'enregistrer. On n'avait plus Christophe à la basse, on a joué avec d'autres gars. Puis au PMU. Oui, quand même. Non, là, j'étais en train d'écrire, mais voilà. Parce que, voilà, c'est bien, parce que tu vas peut-être nous jouer, tu te sens de jouer une chanson. J'avais pas fini. Non, mais attends, mais pas tout de suite, c'est pour lui dire qu'il prépare la guitare, non? Tu veux pas? Ah, on va mettre une musique entre temps. Donc, est-ce que tu peux déjà charger à notre titre des rescues ou est-ce que c'est trop délicat? Bon, on va faire la petite cuisine interne, on va voir. Pourquoi, mais Pascal, d'ailleurs, c'est pas bien. Le titre d'Alcosonic. Parce que après jouer, tu joueras après le titre d'Alco. Je sais pas. Et ben écoute, on va faire ça, mais d'abord moi je voudrais te poser la question, c'est parce que il y avait le bassiste qui était parti et finalement il est revenu. Parce que écoute, pour faire court, ça allait plus, on a essayé, même Christophe pourrait en parler, on a essayé, on a tout fait pour essayer de recoller les morceaux, ça allait plus, et puis un jour on n'avançait plus, on foutait plus rien. Et on lui a dit, écoute, on va continuer sans toi. Et puis, on avait un bon ami qui était là. On lui a proposé de venir. Et puis, ça s'est très mal passé. Et puis, un jour, j'étais là. Enfin, on s'amusait même plus. Alors, bien sûr, on jouait toujours aux courses. Mais je t'écoute parce que là en fait on prépare la suite. Bon, alors j'ai fini, donc voilà. J'ai dit que ça n'allait plus. Un jour j'ai vu Christophe, j'ai fait écoute Christophe, on s'emmerde, il n'y a que des blaireaux, donc quitte à avoir un blaireau, autant que ça soit toi. On était mort de rire comme avant, et du coup on s'est mis à rejouer avec Christophe. On n'avait plus joué ensemble pendant un an, et puis il est revenu, il avait le tone comme disent nos amis anglo-saxons, ça jouait, il y avait le son, on n'avait jamais vu ça. Et on n'a jamais aussi bien sonné, du coup on se régale et on a hâte, donc ça c'est vrai, la semaine prochaine de venir jouer sur Paris Gary. Grâce à nos amis d'Alcosonic. Et on va bien s'amuser et on a hâte d'être là et de jouer, d'être sur scène et de se faire plaisir et de jouer bien sûr un nouveau morceau. Et Pascal, la question que tous les auditrices et auditeurs et poditrices et poditeurs et même sur le live podradio.fr, n'oubliez pas, est-ce que vous avez gagné aux courses du coup? Non. Alors, ce que je te propose, est-ce que tu veux qu'on écoute un titre de Guitar and Dust Dancing? Est-ce que tu veux? Ah, bah écoute, si on se mettait un petit Spears, tiens. Allez, on va écouter Spears, le titre des Rescue Rangers, et juste derrière, on aura un petit set acoustique de Pascal, un petit titre. Allez c'est parti. Flames of the Rescue Rangers sur podradio.fr et tout de suite en live acoustique avec un titre, Pascal, qui s'appelle New Astronomy. Allez, c'est parti. Ouais. Rescue Rangers en live sur podradio.fr. Alors ils seront en concert le 4 septembre au Combustible pour le Stone Gathering, tout comme les Alcosonic qui seront un petit peu plus tard. Et Alcosonic, on va tout de suite écouter un titre et on les aura juste derrière en interview et aussi en set acoustique pour un autre titre qui va être, ça va être vraiment pas mal. On s'écoute Vodun Part 1, Samedi's Awakening. Voilà, exactement. C'est tout de suite Podradio et on se retrouve juste derrière avec l'interview d'Alco. We'll be right back. entendu, c'est à l'instant le nouveau Alcosonic, plutôt des une pré-release puisqu'il est issu du EP de titre que vous pouvez gagner en jouant avec Pod Radio aujourd'hui. C'est le morceau n'était pas Vodun Part One, c'était Ankin Waterroof, mais bon c'est pas grave, on écoutera un petit bout de Vodun Part One parce que comme on arrive à la bourre, va falloir un petit peu faire vite. Avec Alcosonic donc ils sont là, il y a Seb le chanteur, ça va? Ouais, ça va. Et Michel, c'est ça? Je vous Roger, Henri, je vais tous les faire. Arrêtez avec ça, Nicolas. Nicolas, donc tu es le, tu es nouveau dans le groupe en fait, ouais. C'est pour ça. Je ne te connais pas. Encore. Le guitariste, le nouveau guitariste. Le nouveau guitariste. Ah ben ça tombe bien, nouveau. Alors le nouvel EP qui que j'ai dans la main, que vous pouvez donc gagner sur Pod Radio, c'est deux titres en pré-release en fait, c'est ça? Ouais. De l'album qui va. C'est presque des démos encore. Hein. Ouais, c'est encore des démos. En gros, on est. Mais ça sonne bien déjà pour des démos. Je suis pas encore là, donc ça va être vachement mieux après. Ouais. Parce que ça, c'est. Parce que le son de guitare, il est un peu pourri, quoi. Voilà, c'est ça. Mais genre, tout est pourri, mais je suis arrivé, j'ai tout cassé et ça va être mortel. Voilà. Ah ben, on se languit d'entendre ça. Et là, vous êtes, vous nous avez fait aussi l'honneur de donc, d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Et parce que vous êtes en studio en ce moment. Ouais. Et vous êtes venu directement depuis le studio là, en fait, c'est ça. Ouais, de chez non, toi, ouais, quoi, de en chez fait. Moi. J'ai dormi avant, mais normalement, on est en studio. Ouais. Et là, en fait, dès qu'on finit, on y va. Là. D'accord. D'accord, alors comment ça avance comment ça avance cet album? Vous en êtes où? Et ça va se passer comment l'enregistrement? C'est où? Alors ça se passe chez notre batteur, chez Benjamin, dans son studio, donc qui est un peu la maison d'Alcosonic, même s'il le veut pas et qu'il déteste ça. Donc en autoprod, c'est pas, vous avez pas payé enregistrement le... en fait autoprod, mais bon vu que c'est, enfin, il a, c'est un peu comme la recette Rescue Rangers en fait au final, c'est-à-dire que bon c'est un vrai studio, il a vraiment son studio et du coup on fait ça chez lui parce qu'il a le matériel et que c'était beaucoup plus près et qu'on prend notre temps, ce qui est plutôt pas mal pour un album. Et par contre, mixage, bizarrement, qui va être fait aussi par Jason Groves. Voilà. Mais comme c'est étrange, comme le même que étrange, les Rescue Rangers. Et le mastering par Alan Douche. Mais c'est pas le même qui va faire le mix, de, quoi, le master des Rescue. Il a fait le premier. On sait pas encore, il a fait le premier, là, on va voir. Voilà. Et en fait, c'est. Ouais, en fait, des choix qui, effectivement, justement, par rapport à quand on parlait justement de la scène stoner, partager des choses ou quoi que ce soit. Qui sont faits un petit peu dans ce style-là, justement. C'est-à-dire que je cherchais, j'aimais beaucoup le son du tout premier album, en fait, des Rescue Rangers. Alan Douche, c'est un mec de mastering que je trouve qui bossait très très bien. Et quand... Excusez-moi, je rigole, mais il se passe des choses dans le studio, c'est incroyable. Si vous voyez ça, là, ça y est, il y a donc Nicolas qui se rapproche un petit peu physiquement de Pascal. Ouais, technicien, je te fais le ménage après, quoi. Et cet album, donc, même s'il va avoir comme des similitudes au niveau de la production avec les Rescue Rangers, ça va être un truc totalement différent, parce que vous aussi, vous êtes... Ça sera bien, en fait. C'est sympa pour eux. Mais vous aussi, vous faites un truc qui est totalement... quoi, vous avez envie de vous décoller de l'étiquette stoner. Alors... Bon, parce que vous, c'est pas tellement le stoner, c'est même sur votre premier album, on ressent ouais, pas tellement nous, le stoner. On a été affilié bizarrement à la scène stoner, peut-être parce que justement déjà à l'époque de la toute première démo, moi j'organisais déjà des concerts, on va dire, avec des groupes stoner. Moi, c'est vrai que je partage énormément ce qu'a dit Pascal hein, sur le stoner. Je pense d'ailleurs que même Nicolas va dire la même chose. Il y a des choses. Enfin non, qu'est-ce Nicolas il est pire, il déteste le stoner. Ouais, c'est voilà. Mais moi c'est vrai que mis à part Monster Magnet, Chaos, les premiers albums de Queen of the Stone Age, il y a pas grand-chose en fait que j'écoute vraiment dans le stoner. J'écoute vraiment de tout. Moi c'est Monster Magnet, Pearl Jam, Soundgarden quoi, vraiment à la base. Donc c'est pas vraiment le stoner au final. À part Monster Magnet, on est loin du truc. Et sur le premier album, on était plus classic rock parce que c'était très 70s. Même s'il y avait déjà une démarche d'essayer de vouloir faire quelque chose d'un peu psyché. Sur le nouvel album, en fait, le fait du changement de line-up et aussi le sang frais, on s'est plus vraiment dirigé dans ce qu'on aime, sans vraiment se poser de questions. Donc, certains vont peut-être dire ça sonne stoner, parce qu'il y a un gros son, parce qu'il y a des riffs, effectivement. Mais on se pose pas vraiment de questions. Hein. C'est, y a des trucs qui peuvent ressembler très bien à Pink Floyd, comme ça peut très bien ressembler à du Dawn, ou je sais pas, ça ressemble à... Y a pas vraiment, on se pose pas de questions, donc c'est vrai que ce prochain album est relativement différent du premier quand même, faut qu'on le dise quoi, parce que c'est plus lourd, c'est plus... Bah, t'as mûri quoi. J'ai mûri, je suis moins content que le premier, j'ai compris que les éléphants roses c'était moins sympa en fait que ce que je pensais, et je suis pas content contre les éléphants roses, donc non, c'est vrai que c'est plus sombre, mais c'est plus nous, vraiment. Quoi. Et on a vraiment voulu faire quelque chose d'instinctif. Quoi. J'ai pas écouté encore les nouveaux mix, mais est-ce que ça aura une connotation blues? Parce que je sais que vous êtes des fervents amateurs de blues. Alors, c'est oui. Le bleu. Ouais, le bleu. Donc oui, c'est-à-dire que ouais, il y a toujours des sonorités. C'est-à-dire que de toute façon, nous, on compose souvent des riffs autour de ça quand même. C'est toujours assez blues en fait, mais bon, ça l'est forcément de toute façon. Il y aura des sonorités et en même temps, il y en aura aussi moins. En fait, on n'a pas voulu se poser de questions, quoi. C'est que on était parti à la base quand on a fait l'EP. Donc en fait, Pierre, notre ancien guitariste, venait nous quitter. On s'est retrouvé en studio à 3. Paix à son âme. Voilà, paix à son âme. On s'est retrouvé tout d'un coup à 3 en fait. On s'est tout d'un coup retrouvé à 3 en studio. Et on s'est pas posé de questions. C'est-à-dire qu'on a composé. En fait, cet EP, il a été composé et enregistré en 2 jours en fait. Donc d'où le fait qu'il est pré-release parce que ouais, ça a été mixé. Et on l'a sorti et ce qui est sorti, c'était ça. Et on s'est dit, voilà, ça sonne. On a fait écouter à des personnes, dont Pascal en fait. On a voulu voir si ça choquait vraiment parce qu'il y avait quand même une différence de style par rapport à ce qu'on faisait. Et on s'est vraiment trouvé, donc on s'est dit, on va faire la même chose pour l'album. Donc on avait des idées, mais on s'est retrouvé en studio. Donc c'est ce qu'on fait déjà depuis 3 semaines et ce qu'on va terminer aujourd'hui, quoi. Et le but, c'est pas vraiment de se dire s'il y a un style ou pas, c'est de faire une musique qui soit cohérente pour tous les membres du groupe et qui, on espère, plaira quand même à des personnes, parce qu'on fait pas non plus que pour nous. Et là, vous êtes dans la première phase, la phase d'enregistrement, mais vous pensez qu'il sera disponible quand, l'album? Putain, tu me mets devant le... Je sais foutre rien, moi, quand est-ce qu'il est disponible, l'album? Alors, quand est-ce qu'on le finit? On le finit dans un mois, quoi, genre. Je pense que l'album sera terminé ouais, d'ici un mois avec les voix et tout ce qu'il faut derrière. Après, il n'y a pas vraiment de sortie prévue, tout simplement parce que on avait eu un premier label, ça s'est très mal passé, on n'a plus de label aujourd'hui, donc on est un peu en autoprod. On verra ce qui se passe. Pour l'instant, bon, on a peut-être des contacts de distrib ou de label, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment envie de donner de date de sortie. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer, ça se trouve, on ne trouvera pas de label, donc il faudra qu'on... Donc je pense que ça sera pour début 2012, la sortie, parce que fin 2011, mis à part chance ou jackpot, même si ça sort par un label, je pense de toute façon que ça sera sur des sorties 2012. Donc pas vraiment de date de sortie pour l'instant. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas énormément de date de concert, avec la seule donc, qui viendra, ça sera donc le 9 novembre. Pour le Stone Gathering. Pour le Stone Gathering, voilà, avec Saviors. Donc, avec peut-être quelques surprises, en fait, on verra si d'ici là on a eu le temps. Mais sinon, effectivement, on n'a pas encore vraiment de date de sortie. C'est-à-dire que nous, le but, c'est vraiment de terminer l'album, essayer de faire quelque chose dont on soit super content, pas faire les erreurs qui ont été faites parfois sur le premier album, où on n'a pas été forcément super content et qu'on a peut-être trop léché. Donc avoir quelque chose d'instinctif et puis bosser la promo, quoi. Donc on verra. De toute façon, tu seras le premier au courant quand on aura une date de sortie. Ça c'est très gentil, vous reviendrez faire une émission avec nous, vous serez les bienvenus. En novembre, vous jouerez des titres de ce nouvel album. Voilà, c'est en cours de réflexion encore, parce qu'il y aura peut-être une grosse nouvelle en fait à annoncer si tout se passe bien. C'est que je rejoins le groupe. Voilà. Donc en fait, voilà. C'est-à-dire que vous m'invitez à chanter avec vous. Aussi, voilà. Et Pascal, aussi. Pascal fera des striptease derrière, en fait. Mais ça, c'est le nouveau concept. Ah, yeah. Mais attention, voilà. Le Black Mamba est sorti. Donc voilà, non, ce sera le seul concert qu'on aura de l'année pour terminer l'année. Et voilà, avec sûrement peut-être quelque chose de très nouveau, on va dire. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un autre titre, comme ça on vous laisse vous préparer pour le set acoustique que vous allez nous livrer. Ce sera un titre extrait de votre nouvel album que non, vous avez joué. Ça sera Dark Side of Blues, en fait, l'EP, à la sauce bluesy, joue au dobro. Ça va être bonheur. On s'écoute donc le titre Vaudou Part 1, Vaudoun Part 1. precipice on my back. Can't see one light. The beat of a drum echoes in the night. Something dark, so À l'instant, c'était Alcosonic avec Vodoun Part 1, Samedi's Awakening. Et tout de suite, dans les locaux de Pod Radio, vous allez avoir Alcosonic en live acoustique. Yeah! Story of a man called Ruth. A night on a road, this boom boy, I saw the soul. He wanna be the king of blue. I go whisking a heart in his shoe. And down to riches gold, if I'm done, divorce parole. And I say, oh boy, what you've done? Head on the new trail, now you've got a run. Fresh to him, sing a tower in the fire. My name get a ditch, waiting for my Sahara. That's all that's mine. Where do I sign? I wanna be the king. I got my faith from Rosedale to Beale Street. You gotta keep moving on. You gotta keep moving. Hell on in the trail on the dark side of. To keep moving, he's not like a hound on the door side of blues. Alcosonic était donc en live dans podradio.fr. Restez bien à l'écoute de tous les programmes. Juste, je remercie Pascal, les Rescues, d'être venu. Merci à Alcosonic. Les Rescues seront le 4 septembre au Combustible pour le Stone Catering. Les Alco, c'est en novembre le 9, c'est ça. Ouais. Et soyez au rendez-vous. Allez-y, la PAF, c'est pas très cher, donc profitez bien. Merci à le MEB de nous avoir fait la technique sur ce podcast. Et restez bien à l'écoute des programmes de Pod Radio, parce que toute la journée, ça va être bon. Vas-y. Et je voulais juste faire une précision, c'est qu'on n'est pas dans les locaux de Pod Radio, on est dans le locaux du Captain Web. Voilà. Du Captain Web, ouais, ça serait peut-être pas mal d'éviter de s'approprier des locaux qui sont pas à nous. Voilà, c'est trop tard. Merci en tout cas beaucoup, Patrice de Rock Express, on merci beaucoup, beaucoup. Voilà, tout de suite, Phil. Oui, je suis là. Ouais, attends, je t'entends pas. D'ailleurs, j'ai toujours été là. Par contre, on a un putain de retour, c'est très chelou, mais c'est pas grave. Ouais, je m'en occupe. Donc. C'est pas gênant. Ben nous, on va reprendre la suite de nos événements, avec un petit Red Universe qui arrive. Très bien, petit Red Universe. Je serai peut-être là dans les prochaines heures, on va voir. D'accord. Et merci à... Et donc merci, merci à Rock Express, merci. Et à Rescue Rangers d'avoir fait le plaisir de venir jouer. C'était vraiment génial. Et merci à Patrice de Rock Express aussi d'avoir organisé tout ça, parce que c'est quand même un sacré boulot de faire venir des groupes, et surtout qu'en plus ils sont en enregistrement. Donc, voilà, merci. Ils sont bons en plus. Et en plus ils sont bons, donc c'est vraiment génial. Merci à vous tous.